Moi, c'est iPhone. Moi, Basic Cord, c'est iPhone. Ouais, sur PC aussi, ça serait cool. Sinon, c'est quoi tes accords si tu nous dis. C'est joli, hein, j'aime bien. Si tu nous dis où est-ce que tu mets tes doigts, quoi. Il y en avait quatre. Il y avait une espèce de La mineur, ouais. J'ai pas tous les accords. C'est quoi ça? C'est celui-là. G-Tools, ouais. Ça détecte pas les accords, ouais. Et qui c'est qui m'a dit C'est quoi l'autre? Fa dièse. Chord find. Pas terrible ça. Alors, on est d'accord, fa dièse. Chord find. Chord find, c'est presque ça. Faudrait un site, un truc comme ça avec le manche de la guitare et mettre des petits points et voilà que ça nous donne l'accord. Ça serait pas mal. Fa dièse, ouais, sous l'écrit. Après sol. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.